Figure de vitrail. Figure de vitrail. Ces mots prononcés par le jeune capitaine avaient été pour Anne Guisnou comme le coup de baguette magique qui rend visible devant les yeux, en une évocation rapide, instantanée, tout le passé, toutes ces années vécues sans y avoir jamais fait attention, toutes ces choses qui sont les mille petits détails infimes dont se compose une existence. Tandis que les premières années de sa vie, depuis son apparition et ses bégaiements de nouveau-né demeuraient pour elle dans les limbes, d'où nul effort de sa mémoire ne parvenait à les faire sortir, le tableau s'éclairait à partir du moment où elle avait atteint son 6e anniversaire. Et depuis lors, les événements s'en déroulaient d'une manière assez régulière jusqu'à l'heure présente. Figure de vitrail. Elle se répétait ces mots avec la surprise d'une découverte sur ce qu'elle était, sur ses actes, sur ses sentiments, sur la voie dans laquelle elle s'était insensiblement acheminée sans en avoir conscience. Elle n'avait jamais cherché à s'expliquer les raisons de l'espèce de vénération affectueuse dont elle était l'objet dans Plougasnou. Brusquement, tout cela lui était révélé parce que quelque chose de nouveau, d'inconnu, était né dans son cœur. Depuis des temps et des temps, la maison familiale des Guisnou est sur la place principale de Plougasnou. Elle fait partie du quadrilatère curieux de ses demeures, dont toutes les façades donnent sur l'église et sur le cimetière, formant le centre même du bourg, avec son encadrement d'arbres, ses tombes, sa chaire ou calvaire en plein air, surmontée de la croix de granit, et sa chapelle funéraire aux trois pignons. Dès que les yeux de la petite Anne se sont ouverts à la vie, ils ont d'abord rencontré des tombes, des croix mortuaires, des spectacles funèbres. Lorsqu'elle était née en 1794, la terreur pesait encore de tout son poids sur la France, jetant sa grande ombre d'effroi jusque sur cette région presque ignorée, sur ce bourg inconnu de Plougasnou. Elle sait cependant très vaguement qu'il y a eu en ce moment un gros drame parmi les siens, que des fureurs, des désolations, même des catastrophes ont eu lieu autour d'elle, chez elle peut-être. Mais justement, cela s'est passé durant cette période trouble de sa toute première enfance dont elle n'a conservé nul souvenir, dont rien ne l'a frappé assez nettement pour demeurer dans son cerveau de petit enfant. Chez ses parents, le mutisme sur ce point est absolu, et le père impose violemment silence à celui de ses enfants qui oserait faire allusion à cette ombre de leur passé. Quand elle s'est éveillée pour la première fois aux réalités de la vie, la violence de cyclone de la tourmente révolutionnaire avait cessé et les dernières agitations, encore assez fortes à Paris ou dans d'autres grandes villes tumultueuses et ardentes, ne se trahissaient plus que par d'assez molles ondulations, venant mourir sans gros effet dans les régions éloignées du centre, surtout celles qui, comme le territoire de Plougasnou, se trouvaient en dehors de tout parcours obligé. Anne avait de 5 à 6 ans. Elle se voit très préoccupée du cimetière, sans cesse devant elle, de ces pierres plates aux noms en relief, de ce champ de croix de pierre ou de bois, le spectacle qui semble laisser indifférent, tant ils en ont l'habitude, ses parents, ses frères et sœurs, commencent à l'attirer particulièrement. Là où les autres n'ont rien ressenti, elle puise des sensations si profondes, des sentiments si impérieux, que désormais, ils domineront toute son existence, l'élevant peu à peu au-dessus de la grossièreté fruste de ceux qui l'entourent. De larges prunelles d'azur avides de voir, d'admirer, une petite intelligente curieuse de comprendre, de comparer, de s'instruire, de se pénétrer de tout ce qui l'enveloppait, une âme frissonnante d'émotion, voilà ce qu'était Anne Guisnou à 6 ans, à l'heure où, au nom de la liberté des cultes, les églises se rouvraient, où la liste de l'émigration se fermait, où sous la direction puissante et la grandissante volonté du premier consul, les fureurs s'apaisaient. Elle naissait réellement à l'existence au moment où réapparaissaient les coutumes crues à jamais abolies, les habitudes d'un passé qu'on avait supposé disparu pour toujours. les légendes de ce passé sortirent des ruines en même temps qu'elle, fleurette tenace, obstinée, que le vent des révolutions avait brûlée ou arrachée, mais qui, la bourrasque passée, germait de nouveau d'entre les vieilles pierres, repoussait, car rien n'avait pu détruire leurs racines profondes, enfouies au cœur même de ce sol antique de Bretagne. Anne Guisnou, fleur du même vieux terroir celtique, fit partie de cette résurrection, grandit peu à peu au milieu de ce renouveau de très douces et très tendres choses d'autrefois, se pénétrant de leur charme, s'enivrant de leurs caresses, et ne pouvant même pas se figurer qu'il n'en eût pas toujours été ainsi. Elle est très heureuse au milieu des siens. Cependant, la famille à laquelle elle appartenait était, sinon la plus pauvre du bourg de Plougasnou, du moins une de celles dont l'existence assez précaire se trouvait toujours à la merci des intempéries du ciel et de la mer. Son père, Pierre-Marie Guisnou, avait pu, à force de dur labeur, acquérir la maison que tous les Guisnou habitaient sur la Grand Place et acheter une barque, amarrée dans le petit port de Trégastel, sur l'anse de Primel. Homme simple, naïf, de grande droiture, il n'avait jamais eu d'autre ambition que de travailler suffisamment pour mettre ses enfants en état de gagner leur vie à leur tour, tandis que sa femme, Françoise, native de Saint-Jean-du-Doigt, se consacrait toute à ses enfants, trois garçons, Alain, Hervé, Yves, trois filles, Rose, Yvonne et la petite Anne. Étant la dernière née, tous les autres enfants, depuis Alain l'aîné jusqu'à Yvonne et Yves, les plus jeunes, s'échelonnant de 30 à 21 ans, Anne devint un peu la favorite, le joujou de la famille, en même temps qu'elle était le joyau préféré de sa mère. Plus frêle que les autres, plus mignonne et plus gracieuse, avec de grands yeux pensifs et interrogateurs d'un bleu clair de beau ciel pur, entre des cils noirs, une chevelure blonde à reflets dorés, une mine souvent grave et réfléchie, Anne Guisnou semblait au sien d'une essence presque différente qui l'élevait au-dessus d'eux. Ses frères et sœurs s'habituèrent à l'aimer sans jalousie dès sa naissance, à la cajoler, à l'entourer de soins presque délicats. Ce fut Alain le premier qui constata sa ressemblance relative avec la figure de Pierre représentant Anne de Bretagne, qui décorait l'écusson surmontant la septuple ogive de la porte nord de l'église de Plougasnou et qui la baptisa Petite Duchesse Anne ou Petite Reine Anne. Par cette adoration qui eût pu gâter une nature moins bien douée, ses propres parents furent les inconscients agents qui contribuèrent, avant tous les autres, à réveiller en elle l'âme des aïeux, la flamme intacte et brillante d'ancêtres peut-être hypothétiques. Cette âme naïve, aux instincts excellents, allait peu à peu s'élever sous cette action incessante, purifiée par le mysticisme, caressée par les légendes, affinée par les traditions. Un jour, son père l'ayant conduite à Morlaix, alors qu'elle atteignait sa 12e année, elle entra avec lui dans l'église Saint-Mathieu pour y faire sa prière et lut cette inscription tracée en caractère celtique sur une vieille tombe. Quentatud aoe herbed aoe gicasnu ha keret. Cela signifiait en français « Les premiers habitants de la terre furent les gicasnu et keret ». Comme elle faisait remarquer à Pierre-Marie Guisnou en riant que ce nom de gicasnu ressemblait un peu à leur nom, celui-ci, prenant tout à coup une figure de gravité qu'elle ne lui connaissait pas, hocha la tête d'un air réfléchi, racontant. « Tu ne crois pas dire aussi juste, petite? J'ai souvenance qu'autrefois, du temps que j'étais tout petit gars, le recteur de Plougasnou affirmait avoir lu dans des papiers conservés à l'église que notre pauvre obscure famille descendait de ces seigneurs de Guicasnou et que notre nom n'était que leur nom peu à peu usé, déformé par les années, comme ces vieilles pierres des monuments anciens, dont on ne distingue plus bien tous les ornements. Moi, je n'ai connu des Guisnou que des pêcheurs, des marins qui ont fourni des braves gens à la mer comme sur terre. » Il s'interrompit pour gronder d'une voix basse. « Sauf un, à dire vrai. Un seul, celui-là. Enfin, on ne doit jamais en parler. » De ce qu'elle venait d'entendre, Anne n'avait retenu qu'une chose. c'était que peut-être ces Guy Cazenou si puissants étaient ses aïeux, que son père le croyait. Dès qu'elle fut de retour à Plougasnou, son premier soin fut d'interroger à ce sujet le recteur. Ce n'était plus depuis longtemps déjà celui qui avait connu Pierre-Marie enfant, et bien des changements avaient eu lieu depuis ce temps. Mais en 1806, Baptiste Clerc, lui aussi connaissait les bruits courant sur l'origine possible des Guisnou. Il avait lu les archives, compulsé les documents, et admettait comme probable cette descendance. Sans en concevoir trop d'orgueil, Anne y puisa une certaine confiance en elle-même qui développa la noblesse de ses idées et donna plus d'assurance à son caractère. Elle ne voulut pas qu'on pût dire que les Guisnou avaient complètement dégénéré. Il lui semblait qu'elle devait à cette alliette de Guy Cazenou, inhumée sous une si altière devise en l'église Saint-Mathieu en 1503 et femme du lieutenant du capitaine de Morlaix Hervé de Quéret, sa lointaine ancêtre, de prouver qu'un peu de sa grande âme d'autrefois était enfermée dans la gangue épaisse des Guisnou. Du reste, le recteur de Plougasnou s'était plu à instruire Anne Guisnou, à lui apprendre à lire, à écrire, en développant en même temps son cerveau. D'autres sentiments dormaient tout au fond d'elle, qu'elle ignorait absolument. Tout ce qu'elle tenait plus directement et d'une manière plus rapprochée des siens, c'est-à-dire une mystérieuse et instinctive attraction de la mer, des grèves, des rochers, de l'existence aventureuse et hardie des marins, ne se trahissait que par de petits détails infimes qui ne révélaient point l'âme passionnée de la nature qu'elle cachait en elle. C'était surtout la ferveur religieuse qui l'emportait. Cette direction donnée à son esprit, au lieu d'être détournée par la révélation de descendre des anciens seigneurs qui avaient créé Plougasnou, y avait au contraire trouvé un encouragement, en même temps que les récits, les légendes, toutes les traditions d'autrefois, dont elle avait la curiosité particulière, venaient encore la pousser dans cette même voie, et que pour elle les saints, les saintes, les chevaliers et même les enchanteurs de la table ronde évoluaient ensemble dans la même atmosphère de ce rêve où elle se plaisait à vivre par la pensée. Tout autour d'elle devenait mystique ou légendaire, depuis les monuments qui ornaient le pays jusqu'à la manière dont ils se trouvaient disposés. Insensiblement, ces trois grands cultes pieux étaient devenus l'église de Plougasnou, avec ses arcades romanes, son beau clocher de 1582, sa chapelle gothique funéraire contenant l'enfeu des Kermabons, puis l'oratoire de Plougasnou, curieux petit monument à cariatides étranges, élevé en pleine campagne entre Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt, et dédié à Notre-Dame de Lorette. Et enfin, la merveilleuse église gothique de Saint-Jean-du-Doigt, ce bijou d'art breton, terminé en 1513, avec sa fontaine Renaissance si célèbre. Sa vie mystique, à mesure qu'elle grandissait, d'enfant devenue jeune fille, gravitait continuellement de l'un à l'autre de ces édifices sans qu'elle se lassât, et elle ne les voyait qu'enveloppés de tout un peuple de fantômes flottants, personnages issus des contes, des légendes, des traditions qui lui représentaient la réalité. Aussi, à 19 ans, dans ce milieu d'êtres humbles aux formes lourdes, de ces paysans et de ces paysannes de Bretagne qui, avec leurs vêtements d'étoffe grossière et épaisse, formant de gros plis solides avec quelque chose des statues sculptées au portail de leurs églises moyenâgeuses, Anne Guisnou semblait d'une essence autre, plus fine, moins matérielle et moins rude. Sa coiffe blanche formait auréole neigeuse autour de ses cheveux blonds semblables à des fils d'or, d'un or léger, voletant au souffle de la dure brise marine. Ses vêtements, bien que d'étoffe commune, avaient des plis moins anguleux, moins pesants, une sorte de souplesse qui émanait d'elle-même, de ses gestes gracieux. Tranchant sur ses brutales statues vivantes taillées en relief puissant, anguleux, elle était bien comme une exquise figure de vitrail. Auprès d'elle, les formes des autres restaient ternes, grises ou brunes, du ton du granit ou de la couleur du chêne, visage hâlé par les embruns, tanné par le soleil, de ces teintes neutres qui participent de la terre et du bois des arbres, pêcheurs, paysans, coureurs des étendues liquides, êtres attachés au sol. Elle étincelait, lumineuse, rosée, bondissante. Ses cheveux, difficilement contenus par la toile de la coiffe, semblables à la houle dorée des grands blés mûrs, avec le bleu de la fleur de lin ou du ciel dans les yeux, le front, les joues de la transparence nacrée des aubes tendres ou le carmin des lèvres, mettaient son admirable éclat de santé. Aussi, de la voir ainsi, de l'admirer, il l'avait sacrée reine, comme leur duchesse en sabots de bois, souvenir de celle d'autrefois que les vitraux de l'église leur représentaient et l'appelaient leur petite reine en sabots. Figure de vitrail. Voilà ce que ces paroles lui rappelaient, replaçant devant ses yeux son existence jusqu'à ce jour. Et un grand trouble naissait dans son âme, et son cœur battait sous son fichu croisé, car il lui semblait en effet que la figure de vitrail qu'elle avait été, être de fiction, de rêve, de légende, se détachait pour prendre sa part de vie active, que son existence mystique cessait et qu'une autre existence commençait pour elle, depuis que le jeune capitaine inconnu lui avait ouvert les yeux sur elle-même, révélé son cœur, en prononçant ces mots semblables à un exorcisme tout-puissant, lui rendant le mouvement et le sentiment. Figure de vitrail. Elle l'avait été, elle ne l'était plus. En elle, une autre allait naître, toute différente, celle que la nature avait créée et qui appartenait à la nature.